écoutez Radio Campus Lille, il est 20h. Démarrer sur les chapeaux de roue parce qu'on a plein de trucs à passer ce soir. Personnellement, j'ai pas 45 minutes de musique en fait, mais j'en ai 52, je crois. Ah, donc, ouais, voilà. Et donc, c'est bien. Moi, j'en ai 20. Bah, c'est bien. T'as pas le temps voilà. de surfer aujourd'hui. T'as pas eu, hein t'as pas eu le temps de surfer. De surfer. Ah non, bah, je sais pas, moi. Ouais. Dis, tu bosses aussi. Ouais. Ouais, bah voilà, c'est ça. Donc, l'école, ça commence la discussion de Bistros et Pyongyang City Rockers, numéro, je sais même plus combien, 354. J'entendais, j'écoutais tout à l'heure le 353 dans la voiture. Bien, c'est toi qui écoutes le podcast. Ouais. T'es la seule personne au monde à le faire. Hein. Bah, j'écoute ça où je suis pas là. ce soir, donc, Gaël. Ouais. Ouais. Bonjour. Salut. Il y a Jamo aussi. Salut les jeunes. Et peut-être aurons-nous droit à quelques mots de Manu. Je vais quand même dire un bonsoir. Oh. Ouais. Merci Manu. Manu présente rien, mais il est là pour nous rappeler de nos trous blancs. C'est notre éminence grise ou notre commissaire politique peut-être, je ne sais pas. oui. Ça fait longtemps que je n'en avais pas passé de Irati 58, facilement 2 mois. Oh, bon choix. Ouais, ouais. J'ai choisi un truc où quasiment il ne manque que la trompette, vu qu'il y a une petite rythmique ska. Ouais, Tigula. Non, quand même pas, ça va pas jusque-là quand même. Mais c'est à cause de ce que nous sommes, ce que nous resterons. Nous sommes la haine la plus profonde et la plus viscérale. Nous sommes le bruit qui ne cesse de retentir. Nous sommes un millier de prisonniers qui continuent la lutte. Nous sommes la rage qui tente de s'échapper. Somos par Irati 5-8. Est-ce que tu as le CD? Non. Si, oui, je l'ai. Ouais, d'accord. Ouais. Pour ça, j'arrête pas de l'écouter. D'accord. Bon, voilà. J'allais dire, j'en ai peut-être encore un à la maison. Mais... Irati 5-8, Somos. Somos los kilos de amoral que les ha... C'est fou, hein, même en espagnol, on reconnaît que c'est du basque. Ouais, c'est tellement bon, Irati. Ouais. C'est mieux que Savio Man. Ah, carrément. Sans photo. Je suis pas d'accord, mais bon. C'est, moi, je les mets au même niveau. Voilà. C'est bien, c'est bien. Je fais pas de choix comme ça. Tu préfères ton papa ou ta maman? Bah voilà, non. Savio Man. Moi, je vous avais dit il y a quelques semaines que j'allais vous passer un groupe montréalais que j'ai découvert grâce à Oli de Droogies Radio Béton Armé. Depuis, il y a le bassiste qui m'a offert la démo quand je suis allé boire un coup dans son rad à Montréal avec mon Manu, là, le Yermad. Et à 19h33, c'est-à-dire quand j'étais sur la route pour l'émission, j'ai reçu une petite bio. Alors, je vais la lire en direct, je ne l'ai pas encore lue. Ain't Right, c'est Oi, c'est rock'n'roll, ça encense la violence et ça parle de nos réalités au quotidien. 8 morceaux live sont déjà disponibles et un premier EP chez Primator est en route. Directement de la scène effervescente de Montréal, le groupe est composé de membres de King Cans, le groupe de punk, hein. All the Grudge, Inepsy. Et pour la suite, eh ben, l'idée c'est de foncer et paver notre propre chemin, de faire du bruit et de laisser notre marque. Take some chances, swing for the fences, oil. Et puis après, il me dit, tu me diras si t'as shooté le truc, et tu me diras quand. Mais c'est du québécois, faut comprendre. Ah oui. Alors moi, je vais rajouter que ça a été enregistré au No Man's Land Studio à Gatineau, à Québec, dans le cadre des Pils Sessions. Pils comme la bière. Hein. Les 5 et 6 août 2023. Et le morceau que j'ai choisi s'appelle, Stéphane, Clean Fight. Fight. Un point d'exclamation. Mais c'est oui. Pas mal, Ain't Right. Hein. Bien, ouais. Je suis un petit peu dubitatif sur le fait que ça encense la violence, mais je sais pas, bon, enfin. C'est parce que c'est mon refus de la religion qui fait ça. Mais qu'est-ce que tu veux. Bon. Et pour les scanners, le batteur, c'est celui qui a enregistré la démo d'Ultra Radia. Youpi. Voilà, donc je fais un gros bisou à Francis, qui se fait appeler Franck. C'est un peu plus classe quand même, sur son album. Tu connais Francis? Francis. Eh, je l'appelle shooter, moi. D'accord. Ouais, c'est pas mal aussi. Ah non, mais le mec, à chaque fois qu'on le voyait, il y avait des shooters et il nous enfilait. Je crois que j'ai jamais vu autant de shooters qu'avec Francis. D'accord. Et après, tu repartais en faisant deux fois plus de chemin? Je ne sais pas. Ok, je me rappelle plus. Eh bien, du chemin, tu peux en faire pour aller jusqu'en Russie, où ils ont trouvé une nouvelle déclinaison du terme SHARP, S-H-A-R-P, Skinheads Against Russian President. Qu'est-ce qui t'arrive, Stéphane? Tu as fait une sélection très skinhead ce soir? Ben non, mais là, je continue. Non, après, ça va partir en carrément en cacou, là. Mais pour l'instant, je reste sur cette compilation internationale sortie par Black Plocha, le label dont j'ai déjà pas parlé à de nombreuses reprises. C'est sorti fin août, le 26 exactement. Il y a des groupes de 14 pays, bien sûr des groupes russes, mais aussi canadiens, bretons, c'est un pays, slovaques, polonais, biélorusses, catalans, c'est aussi un pays. Et puis des têtes connues, Prowlers, Tsaref, breton. Hein, voilà. Analogues, Toro Bravo, je ne savais même pas qu'ils existaient encore, Mister X. Non, ils n'existent plus. Non, voilà. Ils ont splitté l'année dernière. Ok, et puis, et oui, Régime aussi, que tu as déjà passé. Avec un point d'exclamation. Avec un point d'exclamation, exactement. Tous les bénéfices de cette compilation, tous les bénéfices bancants, Bandcamp de cette compilation seront versés à une organisation d'aide aux réfugiés ukrainiens. C'est ce que font toujours les gens de Black Plochad. Et puis sinon, ils ont un Bandcamp, donc, et puis sinon, ils ont un site web blackplochad.org. Hein, ça va bien, pas .com, pas .fr, .org. Non. Ouais, chez l'organisation. Voici un groupe russe qui s'amuse à mélanger l'anglais et le russe dans le nom de groupe, The Zavod, l'usine. Ah. Voilà. Et puis bah le titre c'est une reprise de Working Boys, My Great Grandfather Was a Macnovist. C'est vraiment parce qu'ils aiment même pas non plus les communistes apparemment. Voici The Zavod. Ça, c'est la bonne oeil russe. Bah oui, voilà. Ouais, c'est bien. Non, mais en même temps, voilà, faut reconnaître. Allez, place maintenant à un nouveau groupe de Metz composé de deux membres de Oi Boys, Val et Alex. Il y a aussi Jeanne et puis il y a aussi Pépé de Strongasten. Ils ont sorti leur cassette la semaine dernière sur Dirty Slap Records. Ça joue au magasin 4 avec Turquoise, Burning Cross, Guimauve et Colère le 28 septembre. Et pour les plus motivés, ils jouent à Metz le 23 septembre avec la fine fleur lilloise, Short Days, Camellia Sinensis et Utopie. Je vous propose d'écouter le morceau... Sur les pavés. Sur les pavés. C'est comme un morceau de Syndrome 81. 106,6, c'est Pyongyang City Rockers 354 sur le radiocampuslille.com. Oi. Oi. Oh! Bon, bah non, on passera celui-là après. Pas comme la semaine dernière. Aussi, oui, non, pas comme la semaine dernière, vous étiez arrivé pile poil. Pile poil. Et non, là, c'était pas pile poil parce qu'on discute, on discute. Et ce que nous venons d'écouter, c'est de la narco-punk hardcore à la new-yorkaise. Ça m'avait fait penser à Nausea, mais oui, c'est carrément du Nausea. Bah ouais, et je les ai ratés la semaine dernière, ils sont passés au Cabron à Anvers. Bah donc voilà, il fallait se moquer. Café merde. On y a. Cabron. Et donc il fallait que je me rattrape en passant. Bah j'ai pas dit non, Flower. Le titre c'était Heal of the Next. Bonjour. Allez, moi je vais passer un groupe que j'aurais pu voir ce week-end mais que je n'ai pas vu. Oui, oui. Toi aussi. Parce qu'ils ont fait leur premier concert au Oi in Hoofddorp. Uh-huh. Et on ne les a pas vus parce qu'ils ont joué au Prefest. Mais ce que j'ai fait par contre, c'est écouter leurs trois titres que Rebellion Records a partagés. Et franchement, c'est plutôt bien ma cam. Mes potes qui les ont vus néerlandais là, m'ont dit que c'était vraiment terrible sur scène en plus de ça. Le groupe s'appelle Wilder et est partagé entre la Belgique et les Pays-Bas. Et je vais vous faire le reste du texte en anglais parce que j'ai oublié de le traduire. Ça, c'est le petit texte qu'ils m'ont donné. Tu fais pas de traduction simultanée, toi ? Oi Street Punk from the Limburg region, Belgium, Netherlands. Wilder is new, but for sure the members are not unknown. Wilder is formed by members on the Rampage, the Young Ones, the Agitators and the Pruttles. On a déjà passé 3 des 4 groupes à Pyongyang Steelworkers. C'est beau. Oi in Hoofddorp last weekend was our debut gig. Soon we gonna hit the studio again and bringing out a 8-track album under Contra Records. On écoute tout de suite Wilder sur le 106,6 avec le morceau Boys Night Out. Pardon. Out the boys, around the noise. bien énervé, c'est les Mexicains de Carrion Kids que j'ai aussi raté vu qu'ils sont passés la semaine dernière au Watermoulin. Bah alors qu'est-ce que t'as fait? Attendez, bah rien, en ce moment il faut rien. Là. Je pense que ce week-end ils veulent aller au Rat Rock. Demain. Quand même. Hein? Demain. Demain. Demain il y a les Jody. Ouais, non mais ça c'est les concerts de semaine. Après il y a les concerts du week-end, c'est pas pareil. Mais oui, en effet, mais je vais en parler tout à l'heure là. Et mais pour l'instant, vu qu'il est 20h et presque 30 minutes. 20h30, ah, boum. Nous laissons la parole au maître incontesté des 20h30, Jamo. Ouais, je vais m'introduire. Alors, pour la petite histoire, en fait, j'ai posté une image de Poutine en punk avec un t-shirt des Subhumans et je connaissais pas. Que tu l'avais même pas vu. Je l'avais même pas vu en plus. Il était beau Poutine avec sa crête rose et tout. Ouais, bah, il y avait des disques à la maison hein, quand t'habitais à Croix, gros. Ouais, je sais, mais ouais. Après, c'est un groupe anglais, c'est peut-être pour ça que je connais. Non, je rigole. On va pas remettre ça sur le tapis. Bah pas non, j'aime bien les Anglais. Alors, je le dirai pas deux fois. Les pieds devant. Je vais passer les Subhumans avec Mickey is not, is dead. Ouais, is dead. Il est dead. Pas mort, il est dead. He's kicked in the head. Ouais. Ouais. Ben voilà. On va l'écouter... sur Radio Campus et sur le DAB+. Voilà, écoutez ça. Mickey Mouse is dead, got kicked in the head. Cause people got too serious, they planned out what they said. They couldn't take the fantasy, tried to accept reality. Analyze the laughs, cause pleasure comes in halves. The purity of comedy, they had to take it seriously. Change the words around, try to make it look profound. Comedian is on stage, it's taken for a wage. The critics think he's great, but the laughter turns to hate. Mickey Mouse is on TV, and the kids stare at the screen. But the pictures are all black and white, the words don't mean a thing. Cause mummy's got no money, and daddy is in jail. He couldn't afford the license, she can't afford the bail. Something new. They read the papers, watched the films, and thought they knew the truth. New York got the Mickey Mouse. Reality deceived, no matter what you believe. It's always a never idea, and there's this special fear. The fear of being sus for what they really are. The fear of being laughter when they go too far. Époque. Oui. Alors, t'as un truc à rajouter hein, ouais, parce que ouais, Wikipédia, il dit de la merde. Oui, mais oui. C'est de l'anarcho-punk et pas du punk hardcore. Ah, t'as pas dit que c'était l'anarcho-punk tout à l'heure, t'as dit que c'était... L'arnaque au punk. Mais ouais. Ça, c'est Wikipédia. Ça, c'était pas à l'antenne, fallait pas le dire. Tu sais, c'est comme tous les espèces d'universitaires qui ont été punk pendant 2 ans de leur vie, puis qu'après, ils sortent des thèses et puis des bouquins épais comme ça, pour dire qu'ils ont tout compris en sortant que des anecdotes toutes pourries. Sur les Ramones et en plus, les Clash. Voilà, exactement. Mais des fois, sur les Ramones français, hein. Genre les Salles Majesté. Bon, Mick. Allez, encore un nouveau truc. Au début de l'année 2024, Big Boss a été lancé en tant que projet de studio par Scott Gagliardi, un vétéran de la scène et un ingénieur du son à Montréal. Après avoir travaillé avec de nombreux groupes montréalais comme Béton Armé, Force Majeure et Ultra Radia, Scott a lancé ce projet. Il a écrit 4 chansons qui deviendront plus tard le EP Skinhead Revenge. La musique s'inspire des groupes de l'époque UK 82, comme les Partisans ou encore Ejected, ainsi que l'agressivité des groupes hardcore new-yorkais comme Warzone ou encore Cro-Mags. Ouais. Ce mélange de styles a jeté les bases sonores de Big Boss. Big Boss, il a invité plusieurs potes pour chanter avec lui. Le résultat a été très satisfaisant et a donc conduit à la décision de transformer ce projet en un groupe à part entière. C'est beau. Skinhead Revenge est un album de 9 minutes non filtré et non censuré qui exprime de manière crue la trahison et le sentiment d'un monde qui s'écroule. Le groupe commencera à se produire en concert en décembre. Le line-up sera composé de gars de Offside, Force Majeure, La Gâchette, Bruiser Weight et Shot Colors. De plus, ce EP 7 pouces marque la première collaboration entre le label américain Longshot Music et le label rennais Primator Crew. LSC Records s'occupera de la version cassette. C'est la bio que j'ai reçue de Scott. J'en profite pour le remercier pour le test press et la cassette qui est en route. Oui, il est sympa, lui. Et pour les scanners, Big Boss faisait déjà l'objet d'une chanson de Offside, l'ancien groupe de Scott. On écoute tout de suite Skinhead Revenge, un des 4 morceaux de ce 7 pouces. Attention, bagarre! Et Big Box, c'est lui. C'est lui. Voilà. Big Boss et Scott. C'est bien, c'est vrai que c'est bagarre et c'est pas mal du tout cette affaire. Ouais. Vous le connaissez, vous l'avez déjà forcément croisé dans un des nombreux rats de Lillois. Il s'agit de Ulfi. Ah, je pensais qu'il y avait pas le troll. Non, on peut le trouver des fois au musical, des fois au bidule. Des fois. Enfin ailleurs, au CCL ailleurs. Même des fois. Ouais. Il vient de sortir un 4 titres il y a point longtemps. Ça y est, où est-ce que j'ai mis mon texte? Tu vois, Ulfi, c'est Phil. Ouais, non, c'est Phil. C'est Ulfi, ouais, mais avant, ça s'appelait son truc musical s'appelait Ulfi Songs. Maintenant, ça s'appelle Ulfi tout court. Ouais. Et puis, il vient de sortir une démo 4 titres, là, il y a pas longtemps. Et il sera, si vous voulez le voir, pendant cette braderie, il sera aussi Rose. Tiens, encore un rat de Lillois. Bien connu, rue des Stations. J'ai organisé des concerts là-bas. Ah ouais, ouais. Bah, mais il n'y a plus que des concerts que pendant la braderie. Hein, sinon, ah ouais, bah maintenant. Voilà. Après, ça a été un truc où il fallait ramener son jeu de société, tu vois, pour partager avec les gens que tu connais pas. Mais il retrouve le chemin du rock'n'roll une fois tous les ans. Donc là, ça sera le 14 septembre, il sera aussi Rose en compagnie d'autres groupes de thrash metal. Ouais, c'est ça. Et puis, un groupe de reprise de Windir. Tu connais Windir? C'est un super logiciel. Et donc voici Ulfi avec Incendie, ce sera sur sa démo qui vient de sortir. Et en parlant des cirrhoses, une pensée à Loubi. Merci Ulfi, je repasserai encore un titre, c'est bien. Hein, bah Bah ouais. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Pyongyang City Rockers, il est 20h44 à l'antenne de Campus Lille. Allez, 106,6. Je vais rester avec mon fil rouge Montréal. Fil rouge. Il y a quelques mois, on a rencontré avec mes comparses de Mawashi, Nico, le chanteur de Street Troopers. On the streets of Montreal. Il nous a dit qu'il avait un nouveau groupe qui s'appelle Over the Hill. On y retrouve des gars de Vagabonds, de Shock Troops, de Street Troopers et de Sons of Pride. Le groupe est monté récemment sur scène pour fêter les 25 ans des Prowlers en compagnie de Kaleko Ordangak et Warrior Kids. Je pensais en avoir parlé, mais il semblerait que non. Alors c'est le moment pour moi de vous passer le morceau Never Forget, Over the Hill, sur le 106,6, Radio Campus Lille, Pyongyang City Rockers. C'est Montréalais. C'est pas mal, hein. Oui. Franchement, il y a une bonne, un bon revival à Montréal là depuis, je dirais quoi, une petite dizaine d'années. Ouais. Revival aussi des concerts, vu que là, comme nous disait notre éminence grise Manu, qui parle des rentrée, fois quand même dans le micro, rentrée. C'est la rentrée. Et donc, il y a des trucs. Et déjà demain et c'est vendredi, il y a deux concerts à ne pas manquer à Lille. Premièrement, demain soir, jeudi 12 septembre, à 20h, à la Griffe, rue des Postes, il y aura Autolise. Ouais, avec Repulsione, c'est du grind italien, avec, je pense, une contrebasse. Jody Faster, petit groupe que moi je connais pas, enfin je m'en veux. C'est bien. Ouais, tiens, enfin, c'est pas mal. Ouais, d'accord. Et Chlore qui ont joué ici le 19 août dernier, que c'était rigolo. Ah, voilà. Ça sera à prix libre à la Griffe à 20h demain soir, jeudi 12 septembre. Et puis vendredi, nous aurons droit à un concert magnifique de Sklitakling, des punks qui viennent de Bergen en Norvège. Ensuite, il y aura Fucking Angry, c'est des Allemands. Ouais, ah, ça vient de vers Essen ou enfin, ouais. C'est la Rhénanie, ouais, quoi. Ouais, la Ruhr. Un ouais, truc comme ça. Rouge. Voilà. Et en première partie, ça sera Psychonfort, les Lillois et Lilloises, bien connus. Ça sera ça au Centre Culturel Libertaire, 4 rue de Colmar, vendredi 13 septembre, à partir de 20h30, théoriquement, pour un prix libre organisé par Anticorps Show et J'Booktrou. Et ouais. Moi, je vais revenir sur Autolise. Pour ceux qui ne connaissent pas Autolise, c'est la version hardcore du groupe Oi à cran. Youpi. Voilà. Voilà. Ça, c'est demain à la Griffe. Moi, ce que je passe demain à la Griffe, c'est le groupe de grind italien. Forcément, fallait passer du grind dans cette émission. Je passerai donc Repulsione avec Shitstorm. Et ensuite, il y aura un titre très long de 2 minutes 04 de Sklitakling. C'est Bare and Evil. Allez, voilà. Die, die, die, die. On devrait bien s'amuser vendredi, et demain aussi, hein. Demain la griffe, vendredi le CCL. À toi Gaël. Allez, je vais vous passer le morceau le plus pop depuis je sais pas trop combien de temps, en ce qui me concerne. Hein. Pour ceux qui ne les connaissent pas encore, Foot Fight est un combo de 4 Rennais en France, composé de vétérans de la scène locale avec des membres et anciens membres ou actuels de Headliners, Abuse, Ready Mates, Cheap Riot. Ils ont sorti leur premier 45 tours il y a 3 ans sur Snap Records en Espagne. Et c'est peut-être pendant ce temps-là qu'on les a vus, Stéphane, non ? Tu disais tout à l'heure, on les a vus, ouais. Foot Fight. Bah, moi, ça me dit quelque chose, mais bon. Ouais. Ça me dit quelque chose aussi, ouais. Mais je ne suis plus certain. Bon, au Caire. On verra bien. Ouais. Donc, ils ont sorti leur premier 45 tours il y a 3 ans sur Snap Records en Espagne et ont joué dans tout le pays depuis. Peaufinons leur propre mélange punk rock de la fin des années 70 et power pop. Musique qui plaira à tous les fans du son Good Vibrations. Pensez Undertones, Protex, Moondogs. Undertones qui jouait hier en Belgique. Ah oui, ouais. En sold out, je pense. C'est où à Anvers, non ? Anvers ou Gand, ouais. Ouais. Bon, par là-bas. Trop cher. C'était 30, 40 balles, un truc comme ça. Alors, c'est le petit texte que j'ai reçu. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais. Avec je sais pas trop quel groupe inconnu en première partie. J'ai bien fait de pas y aller. En dehors de la musique. C'est le message que j'ai reçu donc de Benji UVPR. Bon, ça sort pas sur Une Vie pour Rien, ils ne font que le distribuer. Ça sort sur Juvenile Délinquant Records, Roaring Blood Records et Poche Records, le label du fameux pochoiriste Poche. Ce nouvel album a été enregistré et mixé par Jackie de Syndrome 81 et masterisé non pas par Mickey de Subhumans, mais Mickey Young d'Eddie Current. Je vous propose d'écouter le morceau What's Wrong? Foot Fight sur le 106,6 de Ta Bande FM, Radio Campus Lille, radio libre à Villeneuve-d'Ascq depuis 69. Bravo. Cause I'm gonna go the fuck away. Trop mimi. Ah, c'est mimi, hein. Ça fait du bien à son petit cœur. Hein. Eh bien, moi, je continue avec du bien à son petit cœur qui vient de Boulogne-sur-Mer. Voici les Tragic Johnson. Ça vient de sortir là, il y a quelques jours. week-end dernier, un truc dans ce genre-là. Et puis eux aussi, ils aiment la bière. Puis ils... Ah non, merde, il y a deux ailes. c'est pas la même bête. Et puis bah c'est tout, voilà. On vous parlera des concerts qu'ils feront sur l'île bientôt, normalement bientôt. Tragic Johnson Pills. Ouais, il est 20h59 minutes quand même, hein. Il va falloir qu'on cause pour dire au revoir. Bah ouais. C'est fou. Et donc il faudra repasser Tragic Johnson une autre fois, parce que là c'est quand même pas bien, on coupe. Normalement c'est reggae qu'on coupe. Ouais. Hein. C'est mieux quand c'est coupé. Bah ouais, on le repasse la semaine prochaine en début d'émission. Ouais, enfin il y aura Hélène qui sera là pour présenter le nouveau numéro de son fanzine Perspective. Avec une couverture fabriquée à l'ardente. Pour l'instant, on se dit au revoir à la semaine prochaine pour le 355e, le 354e de Pyongyang City Rockers. C'est fini. Ne quittez pas l'écoute, bientôt il y aura Teeth Grinder qui va débouler dans vos oreilles à 21h et puis plein d'autres trucs après. Et on n'oublie pas. À cab. Oui. Et comme diraient les Basques, Batirou, Batbi.